Première partie, livre 8. Suite. Mes rapports avec Deboeuf n'avaient jamais été interrompus complètement pour l'essai sur les révolutions, et il m'importait de les reprendre au plus vite à Londres pour soutenir ma vie matérielle. Mais d'où m'était venu mon dernier malheur? De mon obstination au silence. Pour comprendre ceci, il faut entrer dans mon caractère. En aucun temps, il ne m'a été possible de surmonter cet esprit de retenue et de solitude intérieure qui m'empêche de causer de ce qui me touche. Personne ne saurait affirmer sans mentir que j'ai raconté ce que la plupart des gens racontent dans un moment de peine, de plaisir ou de vanité. Un nom, une confession de quelque gravité, ne sort point ou ne sort que rarement de ma bouche. Je n'entretiens jamais les passants de mes intérêts, de mes desseins, de mes travaux, de mes idées, de mes attachements, de mes joies, de mes chagrins, persuadé de l'ennui profond que l'on cause aux autres en leur parlant de soi. Sincère et véridique, je manque d'ouverture de cœur. Mon âme tend incessamment à se fermer. Je ne dis point une chose entière, et je n'ai laissé passer ma vie complète que dans ses mémoires. Si j'essaie de commencer un récit, soudain l'idée de sa longueur m'épouvante. Au bout de 4 paroles, le son de ma voix me devient insupportable et je me tais. Comme je ne crois à rien, excepté en religion, je me défie de tout. La malveillance et le dénigrement sont les deux caractères de l'esprit français. La moquerie et la calomnie, le résultat certain d'une confidence. Mais qu'ai-je gagné à ma nature réservée? D'être devenu, parce que j'étais impénétrable, un je ne sais quoi de fantaisie qui n'a aucun rapport avec ma réalité. Mes amis même se trompent sur moi, en croyant me faire mieux connaître et en m'embellissant des illusions de leur attachement. Toutes les médiocrités d'antichambre, de bureau, de gazette, de café, m'ont supposé de l'ambition, et je n'en ai aucune. Froid et sec, en matière usuelle, je n'ai rien de l'enthousiaste et du sentimental. Ma perception distincte et rapide traverse vite le fait et l'homme, et les dépouille de toute importance. Loin de m'entraîner, d'idéaliser les vérités applicables, mon imagination ravale les plus hauts événements, me déjoue moi-même. Le côté petit et ridicule des objets m'apparaît tout d'abord. De grands génies et de grandes choses, il n'en existe guère à mes yeux. Poli, laudatif, admiratif, pour les suffisances qui se proclament intelligence supérieure, mon mépris caché rit et place sur tous ces visages enfumés d'encens des masques de calots. En politique, la chaleur de mes opinions n'a jamais excédé la longueur de mon discours ou de ma brochure. Dans l'existence intérieure et théorique, je suis l'homme de tous les songes. Dans l'existence extérieure et pratique, l'homme des réalités. Aventureux et ordonné, passionné et méthodique, il n'y a jamais eu d'être à la fois plus chimérique et plus positif que moi, de plus ardent et de plus glacé. Androgyne bizarre, pétri des sangs divers de ma mère et de mon père. Les portraits qu'on a faits de moi, hors de toute ressemblance, sont principalement dus à la réticence de mes paroles. La foule est trop légère, trop inattentive, pour se donner le temps, lorsqu'elle n'est pas avertie, de voir les individus tels qu'ils sont. Quand par hasard j'ai essayé de redresser quelques-uns de ces faux jugements dans mes préfaces, on ne m'a pas cru. En dernier résultat, tout m'étant égal, je n'insistais pas. Un « comme vous voudrez » m'a toujours débarrassé de l'ennui de persuader personne ou de chercher à établir une vérité. Je rentre dans mon fort intérieur, comme un lièvre dans son gîte. Là, je me remets à contempler la feuille qui remue ou le brin d'herbe qui s'incline. Je ne me fais pas une vertu de ma circonspection invincible autant qu'involontaire. Si elle n'est pas une fausseté, elle en a l'apparence. Elle n'est pas en harmonie avec des natures plus heureuses, plus aimables, plus faciles, plus naïves, plus abondantes, plus communicatives que la mienne. Souvent elle m'a nuit dans les sentiments et dans les affaires, parce que je n'ai jamais pu souffrir les explications, les raccommodements par protestation et éclaircissement, lamentations et pleurs, verbiages et reproches, détails et apologies. Au cas de la famille Ives, ce silence obstiné de moi sur moi-même me fut extrêmement fatal. 20 fois la mère de Charlotte s'était enquise de mes parents et m'avait mis sur la voie des révélations. Ne prévoyant pas où mon mutisme me mènerait, je me contentais comme d'usage de répondre quelques mots vagues et brefs. Si je n'eusse été atteint de cet odieux travers d'esprit, toutes mes prises devenant impossibles, je n'aurais pas eu l'air d'avoir voulu tromper la plus généreuse hospitalité. La vérité dite par moi au moment décisif ne m'excusait pas. Un mal réel n'en avait pas moins été fait. Je repris mon travail au milieu de mes chagrins et des justes reproches que je me faisais. Je m'accommodai même de ce travail, car il m'était venu en pensée qu'en acquérant du renom, je rendrais la famille Ives moins repentante de l'intérêt qu'elle m'avait témoigné. Charlotte, que je cherchais ainsi à me réconcilier par la gloire, présidait à mes études. Son image était assise devant moi, tandis que j'écrivais. Quand je levais les yeux de dessus mon papier, je les portais sur l'image adorée, comme si le modèle eût été là, en effet. Les habitants de l'île de Ceylan virent un matin l'astre du jour se lever dans un pompe extraordinaire. Son globe s'ouvrit et il en sortit une brillante créature qui dit aux Ceylanais « Je viens régner sur vous ». Charlotte, éclose d'un rayon de lumière, régnait sur moi. Abandonnons-les, ces souvenirs. Les souvenirs vieillissent et s'effacent comme les espérances. Ma vie va changer, elle va couler sous d'autres cieux, dans d'autres vallées. Premier amour de ma jeunesse, vous fuyez avec vos charmes. Je viens de revoir Charlotte, il est vrai, mais après combien d'années l'ai-je revue? Douce lueur du passé, rose pâle du crépuscule qui borde la nuit, quand le soleil depuis longtemps est couché. On a souvent représenté la vie, moi tout le premier, comme une montagne que l'on gravit d'un côté et que l'on dévale de l'autre. Il serait aussi vrai de la comparer à une Alpe, au sommet chauve couronné de glace et qui n'a pas de revers. En suivant cette image, le voyageur monte toujours et ne descend plus. Il voit mieux alors l'espace qu'il a parcouru, les sentiers qu'il n'a pas choisis et à l'aide desquels il se fut élevé par une pente adoucie. Il regarde avec regret et douleur le point où il a commencé de s'égarer. Ainsi, c'est à la publication de l'essai historique que je dois marquer le premier pas qui me fourvoya du chemin de la paix. J'achevai la première partie du grand travail que je m'étais tracé. J'en écrivis le dernier mot entre l'idée de la mort, j'étais retombé malade, et un rêve évanoui. Insomnis venit imago conjugis. Imprimé chez Baylis, l'essai parut chez Deboeuf en 1797. Cette date est celle d'une des transformations de ma vie. Il y a des moments où notre destinée, soit qu'elle cède à la société, soit qu'elle obéisse à la nature, soit qu'elle commence à nous faire ce que nous devons demeurer, se détourne soudain de sa ligne première, telle qu'un fleuve qui change son cours par une subite inflexion. L'essai offre le compendium de mon existence, comme poète, moraliste, publiciste et politique. Dire que j'espérais, autant du moins que je puis espérer, un grand succès de l'ouvrage, cela va sans dire. Nous autres auteurs, petits prodiges d'une ère prodigieuse, nous avons la prétention d'entretenir des intelligences avec les races futures. Mais nous ignorons que, je crois, la demeure de la postérité, nous mettons mal son adresse. Quand nous nous engourdirons dans la tombe, la mort glacera si dur nos paroles, écrites ou chantées, qu'elles ne se fondront pas comme les paroles gelées de Rabelais. L'essai devait être une sorte d'encyclopédie historique. Le seul volume publié est déjà une assez grande investigation. J'en avais la suite en manuscrit. Puis venaient, auprès des recherches et annotations de l'analyste, les lèses virelais du poète, les natchez, etc. Je comprends à peine aujourd'hui comment j'ai pu me livrer à des études aussi considérables, au milieu d'une vie active, errante et sujette à tant de revers. Mon opiniâtreté à l'ouvrage explique cette fécondité. Dans ma jeunesse, j'ai souvent écrit 12 et 15 heures sans quitter la table où j'étais assis, raturant et recomposant 10 fois la même page. L'âge ne m'a rien fait perdre de cette faculté d'application. Aujourd'hui, mes correspondances diplomatiques, qui n'interrompent point mes compositions littéraires, sont entièrement de ma main. L'essai fit du bruit dans l'émigration. Il était en contradiction avec les sentiments de mes compagnons d'infortune. Mon indépendance dans mes diverses positions sociales a presque toujours blessé les hommes avec qui je marchais. J'ai tour à tour été le chef d'armées différentes, dont les soldats n'étaient pas de mon parti. J'ai mené les vieux royalistes à la conquête des libertés publiques et surtout de la liberté de la presse, qu'ils détestaient. J'ai rallié les libéraux au nom de cette même liberté sous le drapeau des Bourbons qu'ils ont en horreur. Il arriva que l'opinion émigrée s'attacha par amour-propre à ma personne. Les revues anglaises, ayant parlé de moi avec éloge, la louange rejaillit sur tout le corps des fidèles. J'avais adressé des exemplaires de l'essai à La Harpe, Ginguenet et De Sales. Lemierre, neveu du poète du même nom et traducteur des poésies de Gray, m'écrivit de Paris le 15 de juillet 1797 que mon essai avait le plus grand succès. Il est certain que si l'essai fut un moment connu, il fut presque aussitôt oublié. Une ombre subite engloutit le premier rayon de ma gloire. Étant devenu presque un personnage, la haute émigration me rechercha à Londres. Je fis mon chemin de rue en rue, je quittai d'abord Holborn, Tottenham, Court Road, et je m'avançai jusque sur la route d'Hampstead. Là, je stationnai quelques mois chez Madame Hollary, veuve irlandaise, mère d'une très jolie fille de 14 ans, et aimant tendrement les chats. Liés par cette conformité de passion, nous eûmes le malheur de perdre deux élégantes minettes, toutes blanches comme deux hermines, avec le bout de la queue noire. Chez Madame Hollary venaient de vieilles voisines, avec lesquelles j'étais obligée de prendre du thé à l'ancienne façon. Madame de Staël a peint cette scène dans Corinne, chez Lady Edgermond. « Ma chère, croyez-vous que l'eau soit assez bouillante pour la jeter sur le thé ? Ma chère, je crois que ce serait trop tôt. » Venait aussi à ces soirées une grande et belle jeune Irlandaise, Mary Neal, sous la garde d'un tuteur. Elle trouvait au fond de mon regard quelques blessures, car elle me disait « You carry your hair in a sling, vous portez votre cœur en écharpe ». Je portais mon cœur, je ne sais comment. Madame Hollary partit pour Dublin, alors m'éloignant de Rechef du canton de la colonie de la pauvre émigration de l'Est, j'arrivais de logement en logement jusqu'au quartier de la riche émigration de l'Ouest, parmi les évêques, les familles de cour et les colons de la Martinique. Pelletier m'était revenu. Il s'était marié à l'avant-vol. Toujours hâbleur, gaspillant son obligeance et fréquentant l'argent de ses voisins plus que leur personne. Je fis plusieurs connaissances nouvelles, surtout dans la société où j'avais des rapports de famille. Christian de Lamoignon, blessé grièvement d'une jambe à l'affaire de Quiberon, et aujourd'hui mon collègue à la Chambre des Pairs, devint mon ami. Il me présenta à Madame Lindsay, attachée à Auguste de Lamoignon, son frère. Le président Guillaume n'était pas emménagé de la sorte à Baville, entre Boileau, Madame de Sévigné et Bourdaloue. Madame Lindsay, irlandaise d'origine, d'un esprit sec, d'une humeur un peu cassante, élégante de taille, agréable de figure, avait de la noblesse d'âme et de l'élévation de caractère. Les émigrés de mérite passaient la soirée au foyer de la dernière des Ninon. La vieille monarchie périssait avec tous ses abus et toutes ses grâces. On la déterra un jour comme ses squelettes de reine, ornés de colliers, de bracelets, de pendants d'oreilles qu'on exhume en Étrurie. Je rencontrai à ce rendez-vous M. Malouet et Mme du Bélois, femme digne d'attachement, le comte de Montlosier et le chevalier de Pana. Ce dernier avait une réputation méritée d'esprit, de malpropreté et de gourmandise. Il appartenait à ce parterre d'hommes de goût, assis autrefois les bras croisés devant la Société française. Oisifs, dont la mission était de tout regarder et de tout juger, ils exerçaient les fonctions qu'exercent maintenant les journaux, sans en avoir l'âpreté, mais aussi sans arriver à leur grande influence populaire. Montlosier était resté à cheval sur la renommée de sa fameuse phrase de la Croix de Bois, phrase un peu ratissée par moi quand je l'ai reproduite, mais vraie au fond. Note. Voici le texte de la fameuse phrase où se reconnaît en effet la main de Chateaubriand. « Je ne crois pas, messieurs, quoi qu'on puisse faire, qu'on parvienne à forcer les évêques à quitter leur siège. Si on les chasse de leur palais, ils se retireront dans la cabane du pauvre qu'ils ont nourri. Si on leur ôte une croix d'or, ils prendront une croix de bois. C'est une croix de bois qui a sauvé le monde. » Fin de note. En quittant la France, il se rendit à Koblenz. Mal reçu des princes, il eut une querelle, se battit la nuit au bord du Rhin et fut embroché. Ne pouvant remuer et n'y voyant goutte, il demanda au témoin si la pointe de l'épée passait par derrière. « De 3 pouces, lui dirent ceux-ci qui tâtèrent. « Alors ce n'est rien, répondit Montlosier. « Monsieur, retirez votre botte. » Montlosier, accueilli de la sorte pour son royalisme, passa en Angleterre et se réfugia dans les lettres grand hôpital des émigrés, où j'avais une paillasse auprès de la sienne. Il obtint la rédaction du Courrier français. Outre son journal, il écrivait des ouvrages physico-politico-philosophiques. Il prouvait dans l'une de ses œuvres que le bleu était la couleur de la vie, par la raison que les veines bleuissent après la mort, la vie venant à la surface du corps pour s'évaporer et retourner au ciel bleu. Comme j'aime beaucoup le bleu, j'étais tout charmé. Féodalement libéral, aristocrate et démocrate, esprit bigarré, fait de pièces et de morceaux, Montlosier accouche avec difficulté d'idées disparates. Mais s'il parvient à les dégager de leurs délivres, elles sont quelquefois belles, surtout énergiques. Antiprêtre comme noble, chrétien par sophisme et comme amateur des vieux siècles, il eût été sous le paganisme chaud partisan de l'indépendance en théorie et de l'esclavage en pratique, faisant jeter l'esclave aux murennes au nom de la liberté du genre humain. Brise Raison, ergoteur, roide et hirsute, l'ancien député de la noblesse de Rion se permet néanmoins des condescendances au pouvoir. Il sait ménager ses intérêts, mais il ne souffre pas qu'on s'en aperçoive, et met à l'abri ses faiblesses d'homme derrière son honneur de gentilhomme. Je ne veux point dire du mal de mon Auvergnat fumeux, avec ses romances du Mont-d'Or et sa polémique de la plaine. J'ai du goût pour sa personne hétéroclite. Ses longs développements obscurs et tournoiements d'idées, avec parenthèses, bruit de gorge et ho-ho chevrotant, m'ennuient. Le ténébreux, l'embrouillé, le vaporeux, le pénible, me sont abominables. Mais d'un autre côté, je suis diverti par ce naturaliste de volcan, ce Pascal manqué, cet orateur de montagne qui pérore à la tribune comme ses petits compatriotes chantent au haut d'une cheminée. J'aime ce gazetier de tourbières et de castels, ce libéral expliquant la charte à travers une fenêtre gothique, ce seigneur pâtre quasi marié à sa vachère, semant lui-même son orge parmi la neige dans son petit champ de cailloux. Je lui saurai toujours gré de m'avoir consacré, dans son chalet du Puy-de-Dôme, une vieille roche noire prise d'un cimetière des Gaulois par lui découvert. L'abbé de Lille, autre compatriote de Sidoine Apollinaire, du chancelier de l'hôpital, de Lafayette, de Thomas, de Chamfort, chassé du continent par le débordement des victoires républicaines, était venu aussi s'établir à Londres. L'émigration le comptait avec orgueil dans ses rangs. Il chantait nos malheurs, raison de plus pour aimer sa muse. Il besognait beaucoup, il le fallait bien, car Madame de Lille l'enfermait et ne le lâchait que quand il avait gagné sa journée par un certain nombre de vers. Un jour, j'étais allé chez lui. Il se fit attendre, puis il parut, les joues fort rouges. On prétend que Madame de Lille le souffletait. Je n'en sais rien, je dis seulement ce que j'ai vu. Qui n'a entendu l'abbé de Lille dire ces vers ? Il racontait très bien. Sa figure, laide, chiffonnée, animée par son imagination, allait à merveille à la nature coquette de son débit, au caractère de son talent et à sa profession d'abbé. Le chef-d'œuvre de l'abbé de Lille est sa traduction des Géorgiques, au morceau de sentiment près. Mais c'est comme si vous lisiez Racine traduit dans la langue de Louis XV. La littérature du XVIIIe siècle, à part quelques beaux génies qui la dominent, cette littérature, placée entre la littérature classique du XVIIe siècle et la littérature romantique du XIXe, sans manquer de naturel, manque de nature. Vouée à des arrangements de mots, elle n'est ni assez originale comme école nouvelle, ni assez pure comme école antique. L'abbé de Lille était le poète des châteaux modernes, de même que le troubadour était le poète des vieux châteaux. Les vers de l'un, les ballades de l'autre, font sentir la différence qui existait entre l'aristocratie dans la force de l'âge et l'aristocratie dans la décrépitude. L'abbé peint des lectures et des parties d'échecs dans les manoirs où les troubadours chantaient des croisades et des tournois. Les personnages distingués de notre Église militante étaient alors en Angleterre. L'abbé Caron, dont je vous ai déjà parlé, en lui empruntant la vie de ma sœur Julie, l'évêque de Saint-Paul de Léon, prélat sévère et borné, qui contribuait à rendre M. le comte d'Artois de plus en plus étranger à son siècle, l'archevêque d'Aix, calomnié peut-être à cause de ses succès dans le monde, Un autre évêque, savant et pieux, mais d'une telle avarice que s'il avait eu le malheur de perdre son âme, il ne l'aurait jamais rachetée. Presque tous les avares sont gens d'esprit. Il faut que je sois bien bête. Parmi les Françaises de l'Ouest, on nommait Madame de Boigne, aimable, spirituelle, remplie de talent, extrêmement jolie, et la plus jeune de toutes. Elle a depuis représenté avec son père le marquis d'Osmond, la cour de France en Angleterre, bien mieux que ma sauvagerie ne l'a fait. Elle écrit maintenant, et ses talents reproduiront à merveille ce qu'elle a vu. Mesdames de Caumont, de Gontaut et d'Uccluzel habitaient aussi le quartier des Félicités exilées, si toutefois je ne fais pas de confusion à l'égard de Madame de Caumont et de Madame d'Uccluzel que j'avais entrevues à Bruxelles. Très certainement à cette époque, Madame la Duchesse de Duras était à Londres. Je ne devais la connaître que 10 ans plus tard. Que de fois on passe dans la vie à côté de ce qui en ferait le charme, comme le navigateur franchit les eaux d'une terre aimée du ciel, qu'il n'a manqué que d'un horizon et d'un jour de voile. J'écris ceci au bord de la Tamise, et demain une lettre ira dire par la poste à Madame de Duras, au bord de la Seine, que j'ai rencontré son premier souvenir. De temps en temps, la Révolution nous envoyait des émigrés d'une espèce et d'une opinion nouvelle. Il se formait diverses couches d'exilés. La terre enferme des lits de sable ou d'argile déposés par les flots du déluge. Un de ces flots m'apporta un homme dont je déplore aujourd'hui la perte, un homme qui fut mon guide dans les lettres et de qui l'amitié a été un des honneurs comme une des consolations de ma vie. On a lu dans un des livres de ses mémoires que j'avais connu Monsieur de Fontane en 1789. C'est à Berlin, l'année dernière, que j'appris la nouvelle de sa mort. Il était né à Niort d'une famille noble et protestante. Son père avait eu le malheur de tuer en duel son beau-frère. Le jeune Fontane, élevé par un frère d'un grand mérite, vint à Paris. Il vit mourir Voltaire, et ce grand représentant du XVIIIe siècle lui inspira ses premiers vers. Ses essais poétiques furent remarqués de la harpe. Il entreprit quelques travaux pour le théâtre, se lia avec une actrice charmante, Mademoiselle Desgarcins. Logé auprès de l'Odéon, en errant autour de la Chartreuse, il en célébra la solitude. Il avait rencontré un ami destiné à devenir le mien, M. Joubert. La Révolution arrivée, le poète s'engagea dans un de ses partis stationnaires qui meurt toujours déchiré par le parti du progrès qui les tire en avant et le parti rétrograde qui les tire en arrière. Les monarchiens attachèrent M. de Fontane à la rédaction du Modérateur. Quand les jours devinrent mauvais, il se réfugia à Lyon et s'y maria. Sa femme accoucha d'un fils. Pendant le siège de la ville que les révolutionnaires avaient nommée commune affranchie, de même que Louis XI, en bannissant les citoyens, avait appelé Arras ville franchise, Madame de Fontane était obligée de changer de place le berceau de son nourrisson pour le mettre à l'abri des bombes. Retourné à Paris, le 9 Thermidor, M. de Fontane établit le mémorial avec M. de la Harpe et l'abbé de Vaucelles. Proscrit aux 18 Fructidor, l'Angleterre fut son port de salut. M. de Fontane a été, avec Chénier, le dernier écrivain de l'école classique de la branche aînée. Sa prose et ses vers se ressemblent et ont un mérite de même nature. Ses pensées et ses images ont une mélancolie ignorée du siècle de Louis XIV. Qui connaissait seulement l'austère et sainte tristesse de l'éloquence religieuse. Cette mélancolie se trouve mêlée aux ouvrages du chantre du jour des morts, comme l'empreinte de l'époque où il a vécu. Elle fixe la date de sa venue. Elle montre qu'il est né depuis Jean-Jacques Rousseau, tenant par son goût à Fénelon. Si l'on réduisait les écrits de M. de Fontane à 2 très petits volumes, l'un de prose, l'autre de vers, ce serait le plus élégant monument funèbre qu'on pût élever sur la tombe de l'école classique. Note. Il vient d'être élevé par la piété filiale de Madame Christine de Fontane. Monsieur de Sainte-Beuve a orné de son ingénieuse notice le fronton du monument. Paris, note de 1839. CH, fin de note. Parmi les papiers que mon ami a laissés, se trouvent plusieurs chants du poème de la Grèce sauvée, des livres d'odes, des poésies diverses, etc. il n'eut plus rien publié lui-même, car ce critique si fin, si éclairé, si impartial, lorsque les opinions politiques ne l'aveuglaient pas, avait une frayeur horrible de la critique. Il a été souverainement injuste envers Madame de Staël. Un article envieux de Garat sur la forêt de Navarre pensa l'arrêter net au début de sa carrière poétique. Fontane, en paraissant, tua l'école affectée de Dorat, mais il ne put rétablir l'école classique qui touchait à son terme avec la langue de Racine. Parmi les hôtes posthumes de M. de Fontane, il en est une sur l'anniversaire de sa naissance. Elle a tout le charme du jour des morts, avec un sentiment plus pénétrant et plus individuel. Je ne me souviens que de ces deux strophes. La vieillesse déjà vient avec ses souffrances. Que m'offre l'avenir ? De courtes espérances. Que m'offre le passé ? Des fautes, des regrets. Tel est le sort de l'homme. Il s'instruit avec l'âge. Mais que sert d'être sage quand le terme est si près ? Le passé, le présent, l'avenir, tout m'afflige. La vie a son déclin et pour moi sans prestige. Dans le miroir du temps, elle perd ses appas. Plaisir, allez chercher l'amour et la jeunesse. Laissez-moi ma tristesse et ne l'insultez pas. Si quelque chose au monde devait être antipathique à M. de Fontane, c'était ma manière d'écrire. En moi commençait, avec l'école dite romantique, une révolution dans la littérature française. Toutefois, mon ami, au lieu de se révolter contre ma barbarie, se passionna pour elle. Je voyais bien de l'ébahissement sur son visage quand je lui lisais des fragments des Natchez, d'Atala, de René. Il ne pouvait ramener ses productions aux règles communes de la critique, mais il sentait qu'il entrait dans un monde nouveau. Il voyait une nature nouvelle. Il comprenait une langue qu'il ne parlait pas. Je reçus de lui d'excellents conseils. Je lui dois ce qu'il y a de correct dans mon style. Il m'apprit à respecter l'oreille. Il m'empêcha de tomber dans l'extravagance d'invention et le rocailleux d'exécution de mes disciples. Ce me fut un grand bonheur de le revoir à Londres, fêté de l'émigration. On lui demandait des chants de la Grèce sauvée. On se pressait pour l'entendre. Il se logea auprès de moi, nous ne nous quittions plus, nous assistâmes ensemble à une scène digne de ces temps d'infortune. Cléry, dernièrement débarqué, nous lut ses mémoires manuscrits. Qu'on juge de l'émotion d'un auditoire d'exilés, écoutant le valet de chambre de Louis XVI raconter témoin oculaire les souffrances et la mort du prisonnier du Temple. Le directoire effrayé des mémoires de Cléry en publia une édition interpolée dans laquelle il faisait parler l'auteur comme un laquais et Louis XVI comme un portefaix. Entre les turpitudes révolutionnaires, celle-ci est peut-être une des plus sales. Un paysan vendéen. Monsieur Dutheil, chargé des affaires de Monsieur le comte d'Artois à Londres, s'était hâté de chercher Fontane. Celui-ci me pria de le conduire chez l'agent des princes. Nous le trouvâmes, environné de tous ses défenseurs du trône et de l'autel, qui battaient les pavés de Piccadilly, d'une foule d'espions et de chevaliers d'industrie, échappés de Paris sous divers noms et divers déguisements, et d'une nuée d'aventuriers belges, allemands, irlandais, vendeurs de contre-révolutions. Dans un coin de cette foule était un homme de 30 à 32 ans qu'on ne regardait point et qui ne faisait lui-même attention qu'à une gravure de la mort du général Wolfe. Frappé de son air, je manquis de sa personne. Un de mes voisins me répondit « Ce n'est rien, c'est un paysan vendéen, porteur d'une lettre de ses chefs. » Cet homme, qui n'était rien, avait vu mourir Catelino, premier général de la Vendée, et paysan comme lui. Bonchamp, en qui revivait Bayard. Lescure, armé d'un cilice non à l'épreuve de la balle. Delbé, fusillé dans un fauteuil, ses blessures ne lui permettant pas d'embrasser la mort debout. La Roche-Jacquelin, dont les patriotes ordonnèrent de vérifier le cadavre, afin de rassurer la Convention au milieu de ses victoires. Cet homme, qui n'était rien, avait assisté à 200 prises et reprises de villes, villages et redoutes, à 700 actions particulières et à 17 batailles rangées. Il avait combattu 300 000 hommes de troupes réglées, 6 à 700 000 réquisitionnaires et gardes nationaux. Il avait aidé à enlever 100 pièces de canon et 50 000 fusils. Il avait traversé les colonnes infernales, compagnie d'incendiaires commandées par des conventionnels. Il s'était trouvé au milieu de l'océan de feu qui, à 3 reprises, roula ses vagues sur les bois de la Vendée. Enfin, Il avait vu périr 300 000 Hercules de charrues, compagnons de ses travaux, et se changer en un désert de cendres, sans lieu carré d'un pays fertile. Les deux Frances se rencontrèrent sur ce sol nivelé par elles. Tout ce qui restait de sang et de souvenirs dans la France des croisades lutta contre ce qu'il y avait de nouveau sang et d'espérance dans la France de la Révolution. Le vainqueur sentit la grandeur du vaincu. Thurot, général des Républicains, déclarait que les Vendéens seraient placés dans l'histoire au premier rang des peuples soldats. Un autre général écrivait à Merlin de Thionville « Des troupes qui ont battu de tels Français peuvent bien se flatter de battre tous les autres peuples. » Les légions de Probus, dans leurs chansons, en disaient autant de nos pères. Bonaparte appela les combats de la Vendée des combats de géants. Dans la cohue du parloir, j'étais le seul à considérer avec admiration et respect le représentant de ces anciens Jacques, qui, tout en brisant le joug de leur seigneur, repoussaient sous Charles V l'invasion étrangère. Il me semblait voir un enfant de ces communes du temps de Charles VII, lesquelles, avec la petite noblesse de province, reconquirent pied à pied, de sillon en sillon, le sol de la France. Il avait l'air indifférent du sauvage. Son regard était grisâtre et inflexible, comme une verge de fer. Sa lèvre inférieure tremblait sur ses dents serrées. Ses cheveux descendaient de sa tête en serpents engourdis, mais prêts à se redresser. Ses bras, pendant à ses côtés, donnaient une secousse nerveuse à d'énormes poignets tailladés de coups de sabre. On l'aurait pris pour un scieur de long. Sa physionomie exprimait une nature populaire, rustique, mise, par la puissance des mœurs, au service d'intérêts et d'idées contraires à cette nature. La fidélité native du vassal, la simple foi du chrétien, s'y mêlait à la rude indépendance plébéienne, accoutumée à s'estimer et à se faire justice. Le sentiment de sa liberté paraissait n'être en lui que la conscience de la force de sa main et de l'intrépidité de son cœur. Il ne parlait pas plus qu'un lion. Il se grattait comme un lion, bâillait comme un lion, se mettait sur le flanc comme un lion ennuyé et rêvait apparemment de sang et de forêt. Quels hommes, dans tous les partis, que les Français d'alors, et quelle race aujourd'hui nous sommes! Mais les Républicains avaient leurs principes en eux, au milieu d'eux, tandis que le principe des royalistes était hors de France. Les Vendéens députaient vers les exilés. Les géants envoyaient demander des chefs aux pygmées. L'agreste messager que je contemplais avait saisi la Révolution à la gorge. Il avait crié « Entrez, passez derrière moi, elle ne vous fera aucun mal, elle ne bougera pas, je la tiens !» Personne ne voulut passer. Alors Jacques Bonhomme relâcha la Révolution et Charette brisa son épée. Promenade avec Fontane. Tandis que je faisais ces réflexions à propos de ce laboureur, comme j'en avais fait d'une autre sorte à la vue de Mirabeau et de Danton, Fontane obtenait une audience particulière de celui qu'il appelait plaisamment le contrôleur général des finances. Il en sortit fort satisfait, car M. Dutheil avait promis d'encourager la publication de mes ouvrages, et Fontane ne pensait qu'à moi. Il n'était pas possible d'être meilleur homme. Timide en ce qui le regardait, il devenait tout courage pour l'amitié. Il me le prouva lors de ma démission à l'occasion de la mort du duc d'Enghien. Dans la conversation, il éclatait en colère littéraire risible. En politique, il déraisonnait. Les crimes conventionnels lui avaient donné l'horreur de la liberté. Il détestait les journaux, la philosophaillerie, l'idéologie. Il communiqua cette haine à Bonaparte quand il s'approcha du maître de l'Europe. Nous allions nous promener dans la campagne. Nous nous arrêtions sous quelques-uns de ces larges ormes répandus dans les prairies. Appuyé contre le tronc de ces ormes, mon ami me contait son ancien voyage en Angleterre avant la Révolution et les vers qu'il adressait alors à deux jeunes ladies devenues vieilles à l'ombre des tours de Westminster, tours qu'il retrouvait debout comme il les avait laissées durant qu'à leur base s'étaient ensevelies les illusions et les heures de sa jeunesse. Nous dînions souvent dans quelques tavernes solitaires à Chelsea, sur la Tamise, en parlant de Milton et de Shakespeare. Ils avaient vu ce que nous voyons, ils s'étaient assis comme nous au bord de ce fleuve. Pour nous, fleuve étranger, pour eux, fleuve de la patrie, nous rentrions de nuit à Londres, aux rayons défaillants des étoiles, submergés l'une après l'autre dans le brouillard de la ville. Nous regagnions notre demeure, guidés par d'incertaines lueurs, qui nous traçait à peine la route à travers la fumée de charbon rougissante autour de chaque réverbère. Ainsi s'écoule la vie du poète. Nous vîmes Londres en détail. Ancien banni, je servais de cicérone aux nouveaux réquisitionnaires de l'exil que la Révolution prenait, jeunes ou vieux. Il n'y a point d'âge légal pour le malheur. Au milieu d'une de ces excursions, nous fûmes surpris d'une pluie mêlée de tonnerre et forcés de nous réfugier dans l'allée d'une chétive maison dont la porte se trouvait ouverte par hasard. Nous y rencontrâmes le duc de Bourbon. Je vis pour la première fois à ce Chantilly un prince qui n'était pas encore le dernier des Condés. Le duc de Bourbon, Fontane et moi, également proscrits, cherchant en terre étrangère sous le toit du pauvre un abri contre le même orage, « Fata viam inveniant ». Fontane fut rappelé en France. Il m'embrassa en faisant des vœux pour notre prochaine réunion. Arrivé en Allemagne, il m'écrivit la lettre suivante. « 28 juillet 1798. Si vous avez senti quelques regrets à mon départ de Londres, je vous jure que les miens n'ont pas été moins réels. Vous êtes la seconde personne à qui, dans le cours de ma vie, j'ai trouvé une imagination et un cœur à ma façon. » Je n'oublierai jamais les consolations que vous m'avez fait trouver dans l'exil et sur une terre étrangère. Ma pensée la plus chère et la plus constante depuis que je vous ai quitté se tourne sur les Natchez. Ce que vous m'en avez lu, et surtout dans les derniers jours, est admirable et ne sortira plus de ma mémoire. Mais le charme des idées poétiques que vous m'avez laissées a disparu un moment à mon arrivée en Allemagne. Les plus affreuses nouvelles de France ont succédé à celles que je vous avais montrées en vous quittant. J'étais 5 ou 6 jours dans les plus cruelles perplexités. Je craignais même des persécutions contre ma famille. Mes terreurs sont aujourd'hui fort diminuées. Le mal même n'a été que fort léger. On menace plus qu'on ne frappe, et ce n'était pas à ceux de ma date qu'en voulaient les exterminateurs. Le dernier courrier m'apportait des assurances de paix et de bonne volonté. Je puis continuer ma route et je vais me mettre en marche dès les premiers jours du mois prochain. Mon séjour sera fixé près de la forêt de Saint-Germain, entre ma famille, la Grèce et mes livres, que ne puis-je vous dire aussi, les Natchez. L'orage inattendu qui vient d'avoir lieu à Paris est causé, j'en suis sûr, par l'étourderie des agents et des chefs que vous connaissez. J'en ai la preuve évidente entre les mains. D'après cette certitude, j'écris Great Pulteney Street, rue où demeurait M. Dutheil, avec toute la politesse possible, mais aussi avec tous les ménagements qu'exige la prudence. Je veux éviter toute correspondance au moins prochaine, et je laisse dans le plus grand doute sur le parti que je dois prendre et sur le séjour que je veux choisir. Au reste, je parle encore de vous avec l'accent de l'amitié, et je souhaite du fond du cœur que les espérances d'utilité qu'on peut fonder sur moi réchauffe les bonnes dispositions qu'on m'a témoignées à cet égard et qui sont si bien dues à votre personne et à vos grands talents. Travaillez, travaillez, mon cher ami, devenez illustre, vous le pouvez, l'avenir est à vous. J'espère que la parole si souvent donnée par le contrôleur général des finances est au moins acquittée en partie. Cette partie me console, car je ne puis soutenir l'idée qu'un bel ouvrage est arrêté faute de quelques secours. Écrivez-moi, que nos cœurs communiquent, que nos muses soient toujours amies. Ne doutez pas que, lorsque je pourrai me promener librement dans ma patrie, je ne vous y prépare une ruche et des fleurs à côté des miennes. Mon attachement est inaltérable. Je serai seule tant que je ne serai point auprès de vous. Parlez-moi de vos travaux. Je veux vous réjouir en finissant. J'ai fait la moitié d'un nouveau champ sur les bords de l'Elbe, et j'en suis plus content que de tout le reste. Adieu, je vous embrasse tendrement, et suis votre ami, Fontane. Fontane m'apprend qu'il faisait des vers en changeant d'exil. On ne peut jamais tout ravir au poète, il emporte avec lui sa lyre. Laissez au cygne ses ailes. Chaque soir, des fleuves inconnus répéteront les plaintes mélodieuses qu'il eût mieux aimé faire entendre à leur hôtasse. L'avenir est à vous, Fontane, disait-il vrai? Dois-je me féliciter de sa prédiction? Hélas, cet avenir annoncé est déjà passé, en aurai-je un autre? Cette première et affectueuse lettre du premier ami que j'ai compté dans ma vie, et qui depuis la date de cette lettre a marché 23 ans à mes côtés, m'avertit douloureusement de mon isolement progressif. Fontane n'est plus. Un chagrin profond, la mort tragique d'un fils, l'a jeté dans la tombe avant l'heure. Note. Fontane mourut le 17 mars 1821. Dès qu'il s'était senti frappé, il avait fait demander un prêtre. Celui-ci vint dans la nuit. Le malade, en l'entendant, se réveilla de son assoupissement et, en réponse aux questions, s'écria avec ferveur « Oh, mon Jésus, mon Jésus !» Le poète du « Jour des morts » et de la Chartreuse, l'ami de Chateaubriand, mourut en chrétien. Fin de note. Presque toutes les personnes dont j'ai parlé dans ces mémoires ont disparu. C'est un registre obituaire que je tiens. Encore quelques années, et moi, condamné à cataloguer les morts, je ne laisserai personne pour inscrire mon nom au livre des absents. Mais s'il faut que je reste seul, si nul être qui m'aima ne demeure après moi pour me conduire à mon dernier asile, moins qu'un autre j'ai besoin de guide. Je me suis enquis du chemin. J'ai étudié les lieux où je dois passer. J'ai voulu voir ce qui arrive au dernier moment. Souvent, au bord d'une fosse dans laquelle on descendait une bière avec des cordes, j'ai entendu le râlement de ces cordes. Ensuite, j'ai ouï le bruit de la première pelletée de terre tombant sur la bière. À chaque nouvelle pelletée, le bruit creux diminuait. La terre, en comblant la sépulture, faisait peu à peu monter le silence éternel à la surface du cercueil. Fontane, vous m'avez écrit « Que nos muses soient toujours amies, vous ne m'avez pas écrit en vain. » Ici se termine le livre 8 de la première partie des Mémoires d'outre-tombe de François-René de Chateaubriand.